Bonsoir, bienvenue dans Autant n'emporte l'histoire. Aujourd'hui, Mata Hari, agent H21. Le 15 octobre 1917, au petit matin, Margaret Zelle, alias Mata Hari, condamnée à mort pour espionnage au profit de l'Allemagne, est conduite au polygone de tir de Vincennes pour y être fusillée. Le tout Paris s'est levé tôt pour assister au spectacle. Il ne sera pas déçu. L'ex-danseuse internationale, qui depuis des mois croupit en prison, a décidé de réussir sa mort et de ne pas offrir aux hommes qui l'ont jugée le plaisir de sa déchéance. Chapeau à plumes, col de fourrure, Mata Hari s'avance, élégante et fière, vers le poteau d'exécution, adresse un ultime baiser aux soldats et, une fois attaché, refuse qu'on lui bande les yeux. Le peloton tire, Mata Hari s'écroule, mais le mythe, lui, depuis plus d'un siècle, est toujours bien vivant. Mata Hari n'en finit pas en effet de nous fasciner. Belle, grande, brune et provocante, défiant les conventions, elle aimait les hommes, le sexe, le luxe et l'argent, et avait décidé très jeune de s'inventer un destin, loin de sa Hollande natale. Prête à tous les mensonges, elle serait danseuse indienne et partirait à la conquête du monde. Mais en 1914, quand sa carrière a décliné et que la guerre a éclaté, Mata Hari s'est engagée dans une autre aventure, romanesque certes, mais ô combien dangereuse et impitoyable, l'espionnage, où elle finira par se brûler les ailes. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Bruno Fellini, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, vous connaissez bien Mata Hari, vous lui avez consacré un beau livre. Comment expliquer que Margaret Gertrude Zelle, c'est son vrai nom, née en 1876 dans une petite ville hollandaise un peu étriquée, soit devenue une danseuse javanaise, d'abord mondialement connue, avant de devenir une espionne? Il y a plusieurs vies dans l'existence de Mata Hari. Elle a cette plasticité particulière, cette capacité à changer non seulement d'identité, mais presque de physique. C'est assez frappant puisque on peut la suivre aux différents âges de sa vie à travers des photographies ou des dessins, et on a peine à reconnaître le même personnage. Elle travaille sur elle-même. Et puis, dès la naissance, pour une néerlandaise, elle a un physique complètement différent de celui des filles qu'elle va fréquenter oui, à l'époque. C'est une brune chez les blonds. Voilà, c'est une brune chez les blonds et les blondes. Elle a la peau très mate. Alors, un biographe néerlandais va bâtir une théorie compliquée sur laquelle elle dériverait d'un peuple asiatique qui aurait laissé un rameau survivant dans le nord des pays bas, les Voutkers. Bon, il se peut tout simplement, dans un pays maritime qui est un lointain ancêtre, qui vienne soit de la péninsule ibérique, soit de beaucoup plus loin encore. Toujours est-il qu'elle a ce physique qui va rendre crédibles ses mensonges. Et lorsqu'elle va devenir une vedette, elle va se présenter comme une véritable danseuse indienne. Et c'est au musée Guimet, dans la Rotonde, que pour la première fois, elle donne son spectacle. Nous sommes le 13 mars 1905, le spectacle qui va la rendre célèbre, c'est-à-dire ses danses sacrées, au cours desquelles, s'offrant au dieu Shiva, elle se déshabille, et elle se déshabille entièrement. Alors évidemment, c'est la première fois qu'une danseuse se présente nue dans un spectacle. Oui, oui, parce qu'à l'époque, il y a d'autres danseuses qui se dévoilent, mais elles gardent quand même un minimum de vêtements, ou alors elle porte des maillots, ces choses un peu curieuses hein, qui couvrent tout le corps d'un tissu un peu rose, c'est un peu ridicule. Elle se déshabille entièrement et elle fait ça devant un public choisi parce qu'il y a ce prétexte culturel. On fait de l'ethnographie, on vient pas du tout se rincer l'œil. Et donc, ouais. Il y a des ambassadeurs, le tout Paris, le gratin de la presse et avec la caution d'Émile Guimet, eh bien, en 1905, le tout Paris est persuadé d'avoir assisté à une sorte de danse sacrée apprise dans l'initiation des temples de l'Inde. Le problème, c'est que l'Inde, cette femme n'y a jamais mis les pieds. Elle est la fille d'un chapelier néerlandais dans une petite ville du nord des Pays-Bas qui s'appelle Levaat, où elle s'est morfondue longtemps. Après, elle a épousé un officier de l'armée coloniale néerlandaise. Trouvé par petites annonces. Trouvé par petites annonces. Et pour la petite histoire, l'annonce avait été insérée à titre de plaisanterie par les amis de ce monsieur. Ils auraient mieux fait de s'abstenir, car de 20 ans plus âgé qu'elle, il épouse cette bombe, dans tous les sens du terme, qu'est Mata Hari, et il va s'en mordre les doigts. Elle aussi, d'ailleurs, parce que je pense que c'était un mari un peu violent, hein, c'est ce qui apparaît aussi dans cette histoire. C'était un un couple mal assorti, on va dire. Disons, et ils vont finir par divorcer. Ils se sont séparés, ils ont divorcé, ils ont bien fait. Ça a été une union dramatique. C'est-à-dire que lorsqu'elle arrive à Paris, en 1902, elle a 26 ans, elle a déjà derrière elle un divorce, deux enfants. Dont un qui est mort. Dont un qui est mort dans des circonstances très troubles. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Il a sans doute été empoisonné par la servante parce que, sans doute, le mari, en tant qu'officier, avait réprimandé le petit ami de la servante. Mais ça n'a jamais été éclairci. Oui, on toujours dit aussi que c'était la maîtresse du mari. Enfin bon, bref, on ne va pas ça rentrer. Ça n'est absolument pas prouvé. Hein. Ouais. Il y a eu une tendance toujours à vouloir faire de Mata Hari une sainte. Et je crois que ce n'est pas intéressant. Mata Hari, au contraire, c'est une femme extrêmement retorse. Elle est intelligente, elle est maligne. Ce n'est pas du tout une intellectuelle. Elle est très intuitive. En revanche, elle est extrêmement maligne et elle cherche toujours à capter l'attention et à s'enrichir. Et lorsqu'il n'y a plus rien à prendre à ce pauvre officier d'époux, elle le quitte et elle va chercher fortune. Où ça ? À Paris, parce que c'est le centre du monde. Mais elle ne connaît pas Paris, elle ne connaît personne à Paris lorsqu'elle y arrive en 1902. Et à quel moment entre-t-elle dans l'espionnage ? C'est beaucoup plus tardif. C'est-à-dire que à partir de 1905, elle est mondialement célèbre. Elle s'enrichit énormément. Il faut payer 1000 francs or pour passer une nuit avec Mata Hari, hein, car c'est aussi une courtisane de haut vol. Et il y a plusieurs années, vraiment, de vedettariat absolu. Et puis, la quarantaine approchant, eh bien, elle se démode. D'abord, elle est moins belle. Et puis, arrivent d'autres formes de danse. C'est-à-dire que tandis que son numéro est très imité par d'autres danseuses, arrivent les ballets russes, arrive Isadora Duncan aussi, et les engagements deviennent moins nombreux, moins intéressants, elle s'appauvrit. Elle a besoin d'argent. Voilà, et c'est en 1914 que les Allemands lui proposent de travailler pour eux, parce qu'elle a un splendide carnet d'adresses. Bruno Fulini, je propose que nous poursuivions cette discussion tout à l'heure. Tout de suite, Mata Hari, agent H21, un texte de l'écrivain Didier Blonde, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire, réalisation Christophe Hoquet. Ai-je bien fait de revenir ici? Paris n'a plus les mêmes couleurs. Les Français sont ingrats. Ils ont la mémoire courte. Cette guerre leur a fait oublier Mata Hari, la belle javanaise. Ils étaient tous à mes pieds et me couvraient de fleurs. Mon nom était sur toutes les lèvres. Mes photos dans tous les journaux. Mais il est impossible maintenant de trouver un engagement. Les gens me regardent d'un drôle d'air. Femme surtout, tout en noir. Est-ce ma faute si j'aime le luxe et que cette vie ne me suffit pas? Il me faut des nouvelles robes, des nouveaux chapeaux, de nouveaux bijoux. Cette guerre n'est pas la mienne, ni celle de mon pays. Elle ne me concerne pas. En ce début de 1917, Mata Hari a 40 ans. Il est loin à présent le temps où Margaretha Gertrude Zelle, épouse MacLeod, hollandaise de naissance, devenait célèbre du jour au lendemain en dansant nue dans la rotonde du musée Guimet sous le nom de Mata Hari, l'œil du jour en malais. Elle était vite devenue la vedette des théâtres parisiens, puis une gloire internationale, de Monte Carlo à Vienne en passant par la Scala de Milan, tout en collectionnant les amants. C'est encore maintenant une femme élégante, très grande, très brune, avec quelques retouches de couleur chez le coiffeur, toujours belle et effrontée, qui ne passe pas inaperçue. Depuis quelques mois, ses relations et ses déplacements l'ont rendue suspecte aux yeux du service de renseignement français et de leur chef, le capitaine Ladoux, qui l'a fait surveiller. Voilà les derniers rapports de mes agents. Affaire Zelle MacLeod, dossier des filatures. Paris, 5 février 1917. La surveillance à l'égard de la femme MacLeod a été reprise ce matin à l'heure habituelle. La suce nommée a quitté le Plaza Athénée, 25 avenue Montaigne à 9h40, vêtue d'une robe blanche, chapeau garni de rose avec voilette, manteau rouge bordé noir. Elle a pris un fiacre et s'est rendue 5 rue de Castiglione, au collier d'ambre, une bijouterie, puis à pied 30 rue Tronchet, chez Mademoiselle d'Angeville, ancienne artiste dramatique, où elle était restée 30 minutes. Ouf, tout ça est sans intérêt. Ah, 6 février, 14h30, place de l'Opéra. MacLeod s'est retournée plusieurs fois comme si elle surveillait les alentours. Elle a pris un tramway, s'est rendue au Rincy, 4 allées blanches, officier une dame Soroy, cartomancienne. Elle est tombée. dormait bien pas. Ah, à 16h, elle est allée à l'épicerie Fauchon, 26 place de la Madeleine, où elle a acheté des gâteaux, puis un rue Cambon chez un coiffeur et au 19 de la même rue chez une manucure. Toujours rien. Elle nous balade. Mais elle finira bien par commettre un faux pas. Vadim, c'est toi, tu es à Paris. Marina. Entre vite. Mais tu es blessée? Qu'est-ce que c'est que ce bandeau sur l'œil? Une attaque au gaz qui m'ont brûlé les yeux. Mais ne t'inquiète pas, ce sera bientôt guéri. Mon chéri. Mon dit chéri. Tu as faim? Tu es fatigué? Non, enlève ta veste. Non, attends, laisse-moi faire. Tu as une permission? Tu restes? Je repars demain. Mais je reviendrai vite. Demain? Ne pars pas. J'ai un mauvais pressentiment. C'est la guerre, Marina. Alors viens, mon amour. Attends. J'ai quelque chose à te dire. Il faut que tu saches. Avant mon départ, le général qui commande mon unité m'a convoqué. Il voulait me mettre en garde contre toi. Il m'a déclaré que tu passais pour une dangereuse aventurière. Mais qu'est-ce qu'il t'a raconté? Dis-moi. Que j'ai eu des amants? C'est vrai, tu le sais. Mais c'est fini tout ça, depuis que je t'ai rencontré. Il paraît que tu as de mauvaises fréquentations. De mauvaises fréquentations, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui lui a dit ça? L'attaché militaire russe à Paris, le comte Ignatieff. De quoi se mêle-t-il? Vadim, moi j'ai l'habitude des calomnies, c'est pas la première fois. Mais toi... Marina, tu vois, je suis ici avec toi. Notre belle aventurière. Mais qu'est-ce que tu penses, toi? Je pense que je veux t'épouser. Épouser? Oh, Vadim, ne ris pas. Ne plaisante pas. C'est ça que je suis venu te dire. Tu es fou. Est-ce que tu veux bien? Dis-moi, Marina, est-ce que tu veux que je t'épouse? Mais Vadim, j'ai deux fois ton âge. C'est pour ça que tu es dangereuse. Allez, viens. Une nuit, rien qu'une nuit. Et il est reparti. Quand est-ce que je le reverrai? Vadim, prends soin de toi. Je lui ai donné tout l'argent qui me restait. Il m'a parlé d'une dette d'honneur à régler. Mes coffres sont vides à Paris. Les domestiques de l'hôtel me regardent de travers. Je dois leur faire peur. J'ai entendu le chasseur me traiter de boche quand je suis passée près de lui. On ouvre mon courrier, on écoute mes conversations au téléphone, on me suit. Ils ne prennent même plus de précautions. Oh, qu'est-ce que ça peut me faire? Vous vous découragerez les premiers, messieurs, les petits agents fureteurs. N'importe, c'est désagréable. Je n'ai plus rien à attendre ici. 10 février. La susnommée a quitté l'Élysée Palace, 39 rue de Bassano, à 9h40. Elle a encore changé d'hôtel. C'est la troisième fois en un mois. Signalement, robe verte, chapeau rouge à plumes blanches, manteau rouge, gants de même couleur. MacLeod a pris un taxi G7 et s'est fait conduire 133 avenue de Malakoff au consulat de son pays. Les renseignements recueillis par notre informateur sur place, il résulte qu'elle se serait plainte des tracasseries auxquelles elle s'est dite en butte par suite de sa situation d'étrangère. À 14h30, elle est retournée au consulat. Elle a été reçue cette fois par le consul de Hollande lui-même, avec lequel elle est restée 40 minutes environ. Elle est allée ensuite au bureau des étrangers pour obtenir un visa de sortie par la Suisse. Puis elle a pris un taxi auto, mais elle n'a pu être suivie. L'automobile dans laquelle nous avons pris place ayant eu beaucoup de difficultés pour se mettre en marche. Les imbéciles. Nous sommes allés l'attendre à son hôtel. Où elle est rentrée à 18h. Elle semblait guetter quelqu'un dans le jardin d'hiver. À 20h30, elle a regagné la chambre 131 au premier étage. Nous avons levé la surveillance à 21h. Elle veut quitter le territoire. Il va falloir agir, et vite. Le 13 février 1917, à 6h15 du matin, le commissaire Priolet, accompagné de 5 inspecteurs et muni d'un mandat d'amener, vient arrêter Matahari dans sa chambre à l'Élysée Palace. Il perquisitionne et met sous scellé tous les papiers, livres et objets de toilette trouvés sur place. Matahari est conduite au palais de justice, dans le cabinet du capitaine Bouchardon. Entrez. Capitaine, vous allez enfin me dire ce que tout cela signifie? Garde, enlevez-lui les menottes. Madame, si vous voulez bien vous asseoir. Ah, ne me touchez pas. Non, je ne m'asseoirai pas. Pas tant que vous m'aurez fourni des explications. Comme vous voudrez. Vous êtes bien Margaretha Gertrude Zelle, danseuse, divorcée de Rodolphe MacLeod, née le 7 août 1876 à Leeuwarden, Hollande. Je suis Mata Hari. Vous savez qui est Mata Hari, capitaine ? Margaretha Gertrude Zelle, vous êtes inculpée du chef d'espionnage, tentative, complicité et intelligence avec l'ennemi. Crime prévu par les articles 2, 59 et suivants du code pénal. 204 et suivants du code de justice militaire de la loi du 18 avril 1866. C'est une plaisanterie. Et de qui vient cette inculpation ? Du ministre de la guerre, madame. Avez-vous une déclaration à faire ? Je dois vous informer que vous avez le droit de garder le silence. Oui, j'ai une déclaration à faire. Je suis au service du contre-espionnage français. J'ai été engagée par le capitaine Ladoux, vous pouvez vérifier. Je n'ai fait qu'agir selon ses instructions. Il ne peut s'agir que d'un malentendu. Nous vérifierons, madame. Avez-vous un avocat ? Sinon, nous pouvons vous en désigner un d'office. Je n'ai pas besoin d'avocat, je suis innocente. Ce sera l'affaire d'un instant. Voulez-vous signer le procès-verbal ? Sergent ? Voilà, mon capitaine. Vous serez mieux assise pour écrire, madame. Si vous le permettez, je signerai Mata Hari. Est-ce que vous m'avez déjà vue sur scène, capitaine ? À l'Olympia ou aux Folies Bergères ? Je n'ai jamais rencontré les prévenus avant qu'ils n'entrent dans ce bureau. Je peux partir à présent. Madame Zelle, vous êtes placée sous mandat de dépôt. Garde, emmenez la prévenue. Où me conduisez-vous ? Vous commettez une grave erreur, capitaine. Vous avez entendu, sergent ? L'Olympia, les Folies Bergères ? Oui, mon capitaine. C'est une femme pour le moins inattendue. Ça ne va pas être facile. Pierre Bouchardon, rapporteur au 3e Conseil de guerre, est chargé de l'instruction de l'affaire. Il a été surnommé par Clémenceau le Grand Inquisiteur, dans la lutte acharnée qu'il livre contre les ennemis de l'intérieur. Ses espions, réels ou supposés, sont rendus responsables de l'échec des offensives lancées par l'état-major qui coûtent des dizaines de milliers de morts inutiles. La population doute de la capacité de ses généraux, il faut des coupables. Dès le lendemain de son arrestation, Bouchardon commence à interroger Mata Hari sur sa vie et ses activités passées. Celle-ci raconte son séjour dans les colonies indiennes et irlandaises aux côtés de son mari, alcoolique et brutal, avec lequel elle a eu deux enfants. Un fils, qui est mort empoisonné dans des circonstances mal élucidées, et une fille, qui vit avec son père dont elle a divorcé. Elle raconte aussi sa carrière de danseuse à Paris, les relations haut placées qu'elle a entretenues en voyageant à travers l'Europe, ainsi que sa parfaite connaissance de plusieurs langues qui ont conduit le capitaine Ladoux à lui demander d'entrer à son service en lui confiant une mission. Madame Zelle, nous voudrions revenir sur quelques points auxquels nous vous demandons de répondre de façon précise et circonstanciée. Voici le premier. Êtes-vous allée en Allemagne depuis la guerre ? Non, jamais. Pourtant, vous l'avez dit vous-même, vous avez eu des relations intimes avec le lieutenant Alfred Kippert du 11e Hussard. Il a été mon amant, oui, quand j'étais à Berlin. Avec le capitaine Kuntz, chef de la station des hydroaéroplanes de Putzig, ainsi qu'avec le chef de la police, Gribbel. Le chef de police, Gribbel, pas de la police. Vous déformez mes propos. Max Gribbel s'occupait de la police des théâtres. Mes relations avec ces trois officiers datent d'avant la guerre. Je ne les ai pas revus ensuite. Cela vous rend néanmoins suspecte d'affinité avec l'Allemagne. Je suis sujette d'un pays neutre, capitaine. Je n'ai aucun préjugé. Je n'avais aucune raison d'être hostile aux Allemands, que je connais bien. Et quant à mes fréquentations en tant que danseuse, elles n'impliquent pas que j'ai fait de l'espionnage pour l'Allemagne. Vous avez pourtant reçu depuis et à deux reprises, via votre ambassade, plusieurs chèques de 5000 francs chacun. À quel titre vous ont-ils été remis ? Cet argent m'a été envoyé par le colonel Baron von der Kapellen, mon ancien amant à La Haye, qui a toujours été généreux. Puisque vous n'avez aucune prévention contre l'Allemagne, quelles étaient alors vos motivations quand vous êtes venu offrir vos services au capitaine Ladoux ? Mais ce n'est pas moi qui ai offert mes services. Au cours d'une de mes visites au bureau des étrangers, on m'a dirigé vers le capitaine Ladoux. Et j'ignorais alors que le ministère de la guerre se trouvait dans le même immeuble. C'est là que le capitaine m'a proposé une mission, en raison de mes relations, a-t-il dit. Proposition que j'ai commencé par refuser, et il le sait parfaitement, il vous le confirmera. Vous avez quand même accepté. J'ai réfléchi. Je voulais faire un coup. Un seul. Mais un grand coup. Et me retirer ensuite. En réclamant 1 million de francs ? Matahari n'est pas la première venue. Ses services se paient cher. Un dernier point. Au cours de votre mission, comme vous dites, vous prétendez avoir obtenu le 12 décembre 1916 des renseignements auprès de l'attaché de l'ambassade d'Allemagne à Madrid, le major Kalle. Des renseignements de la plus haute importance que j'ai transmis aussitôt à Paris. Et comment les avez-vous obtenus ? En accordant au major Kalle ce qu'il me demandait. Ce qui signifie ? Vous m'avez parfaitement comprise. N'avez-vous pas plutôt fourni à Kalle des informations confidentielles d'ordre militaire ou diplomatique ? Jamais je n'aurais fait cela. Mon amant, le capitaine de Maslov, est russe. Il se bat aux côtés des Français. Il ne pouvait être question pour moi d'agir contre son intérêt. Je n'ai jamais espionné que pour la France. Je suis innocente de tout ce que vous me reprochez. Sergent, apportez le procès-verbal à Madame Zelle. Capitaine, pour la suite de l'instruction, je désire que Maître Clunet, qui s'est déjà occupé de mes affaires, soit désigné comme mon avocat. Nous transmettrons. Garde, ramenez la prévenue à Saint-Lazare. La prison pour femmes de Saint-Lazare se trouvait rue du Faubourg Saint-Denis, près de la gare de l'Est. La surveillance est assurée par des religieuses. Matahari y est détenue au secret dans des conditions particulièrement éprouvantes auxquelles sa vie dans les palaces ne l'a pas préparée. Elle souffre de l'isolement, de la saleté, du froid et de la faim. Au menu, une soupe maigre le matin, des légumes à midi, pas de dîner. Seule la doyenne et supérieure des religieuses, sœur Léonide, lui apporte un peu de réconfort. Madame Zelle, voici une couverture et un peu de café. Merci, ma sœur. Je n'ai pas pu dormir cette nuit. J'ai des étouffements, des maux de tête. Puis entendu des rats courir dans ma cellule. Et toute cette crasse. Quand pourrais-je prendre un bain ? Un bain ? Nous n'avons pas ça ici. Je voudrais récupérer des affaires, au moins pour changer de vêtements. Maître Clunet pourra peut-être faire quelque chose. Je ne peux pas rester plus longtemps ici. Je dois prévenir mes amis, le consul, le colonel van der Kapellen et Anna, ma servante en Hollande. Ils vont sortir de là. Il faut que je leur téléphone. Hélas, je crains que ce ne soit pas possible. La nourriture est infecte. Oh, soyez patiente, Madame Zelle. Vous êtes protestante, je crois. Voulez-vous que je fasse venir le pasteur ? Oh non, pas de pasteur. Pas de discours, je vous en prie. C'est pas ça dont j'ai besoin. Maître Clunet, malgré sa dévotion à l'ancienne danseuse, ne lui est que de peu de secours. Il est très âgé et n'est pas tenu au courant des progrès de l'instruction. La législation ne l'autorise à assister qu'au premier interrogatoire suivant sa désignation et au dernier, avant le rapport d'instruction. Le médecin de la prison juge l'état moral de Matahari nerveux, mais physiquement satisfaisant. Il se contente de la faire transférer dans une cellule mieux aérée. Et les interrogatoires se poursuivent dans le bureau du capitaine Bouchardon. Madame Zelle, le commissaire Priolet nous a transmis un certain nombre d'objets qui ont été saisis dans votre chambre à l'hôtel. Regardons-les ensemble, si vous voulez bien. Voici votre sac de voyage, de l'eau de Botto, un flacon à demi-plein acacia, marque Rimmel, 3 bâtons de rouge pour les lèvres, un flacon de Bergen-Arbasseur. Oui, ce sont des produits d'hygiène et de maquillage. Une petite boîte en métal, sans inscription. C'est du parfum de Java, que l'on fait brûler. Un tube de comprimé. Oxycyanure de mercure, qu'est-ce que c'est que ça ? Il s'agit d'un produit que l'on met dans les injections après chaque coït pour éviter d'avoir un enfant. Un flacon de la pharmacie Roberts, portant sur l'étiquette à l'encre, 40 gouttes par jour, Madame Zelle. C'est le docteur Verne qui m'a prescrit ces gouttes quand il s'est aperçu que j'avais pu contracter une certaine maladie. Très bien. Nous les ferons examiner par notre laboratoire. Et voici maintenant le scellé numéro 6. Il contient principalement des cartes de visite. Henri Petitpied, consul de France. C'est une carte de remerciement. Capitaine Henri Desmarans. Ce capitaine m'a fait la cour avant la guerre. Et il m'a accompagné quelquefois dans mes promenades à cheval au bois de Boulogne. Lieutenant-colonel Pats Pobatsky, état-major de l'armée russe. Diego de Leon, marquis de Beaufort. Lieutenant Henri Meige. Il y a aussi des portraits photographiques. Il s'agit du capitaine de Maslov, mon amant. Vous avez eu beaucoup d'amants, Madame Zelle. Qu'avez-vous à y redire ? J'aime l'amour et le plaisir. Voilà sans doute mon crime à vos yeux. Et parmi eux, beaucoup d'officiers ? J'ai toujours aimé l'uniforme. Beaucoup d'étrangers aussi. Je suis une femme internationale, capitaine. J'aime faire des comparaisons entre chaque nation. Madame Zelle, vous avez été surveillée à partir de juin dernier. Or, il résulte de l'enquête que vous avez cherché à entrer activement en relation avec des officiers de toute nationalité. Vous avez ainsi pu vous procurer beaucoup de renseignements de nature à intéresser l'Allemagne. Mais que me reprochez-vous, enfin ? D'avoir couché avec des officiers ? Mais j'aurais couché avec le Crown Prince si j'en avais eu les moyens. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des grandes choses, pas en interrogeant des domestiques. Sergent, le procès-verbal. Capitaine, Vadim de Maslov est mon fiancé. Nous allons nous marier. Puis-je avoir une de ces photos ? Aucune pièce ne peut sortir de ce dossier. Garde. Qu'est-ce qu'il peut comprendre, ce capitaine ? Avec ses yeux de fouine, son front borné et ses moustaches en croc. Sait-il seulement ce que c'est qu'une femme ? Peut-être est-il jaloux ? Il se venge ? Il me méprise ? Où je lui fais peur à lui aussi. Je suis dangereuse parce que je suis une femme libre et que j'aime qui je veux. Comme s'il prenait plaisir à me tenir enfermée avec toute cette vermine. Mais je vais devenir folle entre ces murs. C'est ça qu'il veut, que je devienne folle. Les demandes répétées de mise en liberté provisoire adressées par Maître Clunet sont régulièrement rejetées, tout comme ses requêtes pour faire interner sa cliente dans un hôpital en raison de son état de santé qui ne cesse de se dégrader. Les lettres que Matahari adresse à Bouchardon pour qu'on améliore ses conditions de détention restent sans effet. Elle ignore que le magistrat a fait convoquer son amant comme témoin. Je m'appelle Vadim de Maslov, j'ai 23 ans, je suis capitaine dans le 1er régiment d'infanterie russe. Capitaine, pouvez-vous nous dire quand et comment vous avez connu l'inculpé ? Je suis entré en relation avec Madame Zelle en août 1916. Je lui ai été présenté au Grand Hôtel à Paris par un officier français qui parlait russe, dont j'ignore le nom. Quelle était la nature de vos relations avec l'inculpé ? Elles étaient de nature privée, intime. L'inculpé vous a-t-elle posé des questions indiscrètes d'un point de vue militaire ? Non, jamais. Nous ne parlions pas de cela. Quand avez-vous vu l'inculpé pour la dernière fois ? En janvier, à l'hôtel Plaza Athénée, au cours d'une permission. Vos chefs ne vous ont-ils pas recommandé de vous montrer très prudent avec elle ? En effet. Quand le bruit a couru que je devais épouser cette dame, le général m'a demandé de cesser toute relation avec elle. Et qu'avez-vous décidé ? En mars, je suis retourné à son hôtel dans le but de lui annoncer que je voulais rompre avec elle, mais on m'a informé qu'elle n'était plus là. Avez-vous d'autres renseignements utiles à nous donner ? Non, aucun. Après 2 mois d'interrogatoire, l'instruction n'a pu encore apporter de preuves de la culpabilité de Matahari. Le ministre de la guerre décide alors de faire verser au dossier de nouvelles pièces classées secrètes, en exigeant qu'aucun des renseignements qu'elles contiennent ne puisse être connu du public et n'apparaisse dans le jugement pour des raisons de sûreté de la défense nationale. Madame Zelle, nous vous posons à nouveau la question. Avant d'entrer en contact avec nos services, apparteniez-vous à l'espionnage allemand ? Ni avant, ni après. N'avez-vous pas donné des informations au major Kalle à Madrid ? Non. Madame Zelle, il est inutile de continuer à nous mentir. Nous avons à présent la preuve matérielle que vous êtes l'agent H21 de la section de centralisation des renseignements de Cologne et que vous avez fourni au major Kalle des renseignements complets d'ordre politique, diplomatique et militaire. C'est une erreur. Vous me prenez pour une autre. Eh bien, voici le texte intégral d'une communication expédiée de Madrid le 13 décembre 1916 par Kalle à l'état-major de Berlin que nos services radio de la Tour Eiffel ont intercepté et décodé. Le 13 décembre, c'est-à-dire le lendemain de la visite que vous lui avez rendue. Et que dit Calleux ? L'agent H21, envoyé au mois de mars en France, est arrivé ici. Elle a faim d'accepter les offres de service des renseignements français pour le compte de ce service. C'est bien de vous qu'il s'agit. L'Espagne est pleine d'agents allemands. Il y a certainement une confusion. Regardez cette autre communication. Calleux demande à ceux qu'on fasse le nécessaire pour verser à H21 5 000 francs par l'intermédiaire du consul de Hollande. Je vous ai dit que cet argent m'avait été envoyé par le colonel Baron van der Capellen. Et voici un renseignement livré par H21. Sous la direction de l'Angleterre, on prépare une offensive générale sur tous les fronts pour le printemps. Le reconnaissez-vous ? Mais cette information n'avait rien de secret, elle était répandue dans tous les salons. Elle prouve en tout cas que vous étiez bien au service de l'Allemagne. Je ne suis pas l'agent H21. Aucune confusion n'est possible. Calleux précise dans sa dépêche que l'agent H21 a une domestique demeurant en Hollande qui se nomme Anna Lingens. Anna Lingens. C'est bien le nom de votre domestique, Madame Zelleux. Calleux peut avoir pris des renseignements sur moi. Combien de fois faudra-t-il vous le dire, capitaine ? Je n'ai jamais espionné que pour la France. Pour mieux donner le change, vous n'avez cessé de jouer un double jeu. Non, j'ai agi par amour pour le capitaine de Maslov. Par amour. Une autre comédie. Madame Zelleux, nous avons interrogé le capitaine il y a quelques jours. Vous voulez-vous savoir ce qu'il nous a déclaré ? Quand le bruit a couru que je devais épouser cette dame, le général m'a demandé de cesser toute relation avec elle. Question : qu'avez-vous décidé ? Réponse : je suis retourné à son hôtel dans le but de lui annoncer que je voulais rompre avec elle, mais on m'a informé qu'elle n'était plus là. Ah, Vadim, tu me renies, toi aussi. Toi pour qui je serais passé à travers le feu. Tout tombe autour de moi et tu m'abandonnes. Jamais je n'aurais cru à autant de lâcheté de ta part. Sais-tu que tu es le seul homme que j'ai aimé ? Sais-tu que tu as l'âge qu'aurait mon fils si on ne me l'avait pas assassiné ? On te rappelle à l'ordre et tu obéis. Nous ne nous reverrons plus. Je pleure et tu ne m'entends pas. Je reste seule. Eh bien, soit. Je me défendrai seule. Capitaine, je suis décidée à vous dire aujourd'hui la vérité. Nous vous écoutons. En mai 1916, à La Haye, j'ai reçu la visite du consul d'Allemagne à Amsterdam, Karl Kremer. Apprenant que j'allais en France et connaissant mes fréquentations, il m'a demandé si je voulais recueillir des renseignements qui pouvaient l'intéresser contre une somme de 20 000 francs. Qu'avez-vous répondu ? À la déclaration de guerre, les Allemands m'avaient confisqué toutes mes fourrures. Il y en avait pour plus de 80 000 francs. Je me suis dit que c'était une bonne façon de leur reprendre ce qu'ils me devaient sans rien leur donner en échange. Kremer m'a remis l'argent, ainsi que des flacons d'encre secrète pour correspondre avec lui. Il m'a dit que je n'aurais qu'à signer du numéro H21. J'ai jeté les flacons dans l'eau du canal et je n'ai rien écrit du tout pendant mon séjour à Paris. Kremer ne vous aurait pas fait cadeau de 20 000 francs sans garantie ou pour payer des services déjà rendus. L'espionnage n'est pas un jeu et nous ne sommes pas au théâtre. J'ai toujours aimé jouer, capitaine. Tantôt je gagne, tantôt je perds. Et Kremer vous a laissé tranquille ? Si vous ne lui aviez rien donné, il vous aurait vite démasqué devant Calleux. C'est pour cela qu'à Madrid, j'ai livré au major des renseignements insignifiants qui ne pouvaient pas vous faire de tort. Nous enregistrons vos aveux. Mais nous vous ferons remarquer que lorsque vous avez vu le capitaine Ladoux, vous lui avez soigneusement caché que vous étiez H21, alors que votre premier soin a été de dire à Calleux que vous aviez faim d'accepter une mission pour les services français. Vous dissimulez la réalité aux Français, vous la révélez aux Allemands. Qui donc avez-vous servi dans ces conditions ? Et qui donc avez-vous trahi ? Mais si le capitaine Ladoux savait que j'étais H21 quand il m'a fait appeler, pourquoi m'a-t-il confié une mission ? Le capitaine avait ses raisons. Et pourquoi est-ce que Calleux a envoyé ses radios avec un code que vous avez pu déchiffrer aussi vite ? J'ai eu le temps de réfléchir dans ma cellule, capitaine. N'était-ce pas pour se venger en me livrant à vous et vous lancer sur une fausse piste ? Ils ne savaient pas que nous connaissions leur code. En êtes-vous sûr ? Je n'ai jamais rien compris à l'espionnage, capitaine. Vous avez voulu jouer, Madame Zelleux, et vous avez perdu. Ils me laissent tous tomber. Après Vadim, Ladoux, je vois clair maintenant. Il m'a tendu un piège quand il m'a fait venir dans son bureau. Il s'entend avec Bouchardon. Et maintenant, ils me disent que je sauverai ma peau si je dénonce des complices ou leur donne le nom d'espion ennemi. Quel odieux marché. Je trouve cela répugnant. Je n'ai jamais eu de complice. Et je ne livrerai jamais personne. Alors, capitaine, où en êtes-vous avec la femme Zelle? Il me reste à boucler mon rapport. L'affaire sera vite réglée. Nous n'avons comme preuve que les radios de Calais. C'est bien assez. Et puisqu'elle a reconnu être H21. La défense pourra faire valoir que les radios ne contenaient rien d'important et que l'inculpé a aussi servi la France. Nos soldats meurent chaque jour à cause de gens comme elle. La France compte sur vous, Bouchardon. Personne ne comprendrait. Sa conduite immorale décidera les membres du jury les plus hésitants, s'il y en a. Ce n'est qu'une créature sans scrupules, débauchée, habituée à se jouer des hommes. Une espionne née. Le rapport d'instruction du capitaine Bouchardon est un véritable réquisitoire qui fixe à l'avance l'issue du procès. Celui-ci se déroule à huis clos, en trois audiences, les 24 et 25 juillet 1917. Les témoins des charges convoqués par la défense sont exclus, absents ou de peu de poids. Matahari n'a pas voulu faire appel à Vadim de Maslov, qu'elle ne se sent pas la force de revoir dans ces circonstances. La plaidoirie de Maître Clunet n'a aucune influence sur les juges, qui, après une très courte délibération, la déclarent coupable. Elle est condamnée à mort à l'unanimité. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ces Français. Après tout ce que j'ai fait pour eux, à quoi ça va leur servir de me tuer ? Moi, je n'ai causé la mort de personne. Ils n'ont rien compris. Ils ne savent pas qui je suis. Ils me prennent pour une autre. Mata Hari n'est pas Margaretha Zelle, ni Lady MacLeod, ni l'agent H21. Ce sont des femmes qui n'ont rien à voir, qui n'ont absolument rien à voir. Ce sont des femmes totalement différentes. Ma vraie vie est celle de Mata Hari, et on ne touche pas à Mata Hari. Les efforts déployés par Maître Clunet pour inverser le cours des choses restent inutiles. Le recours en révision, tout comme le pourvoi en cassation, sont rejetés. Prétextant que la condamnée à mort pourrait être enceinte, il demande une expertise médicale, puis propose, tout aussi vainement, un échange avec un général français prisonnier des Allemands. À la prison Saint-Lazare, son ordinaire est amélioré et deux détenus chargés de la surveiller partagent désormais sa cellule. Il ne reste plus à Mata Hari qu'à attendre la grâce du président Poincaré. Voici un peu de café, Madame Zelle. Merci, ma sœur. Vous croyez que c'est pour demain ? Est-ce que je pourrais dormir tranquille cette nuit ? Demain, c'est dimanche. Rien ne se passe ce jour-là. Dormez sans crainte. Je devrais peut-être faire mon testament. J'ai le temps, n'est-ce pas ? Je sais pas. Il vous faut du courage. J'en aurai, vous verrez. Je sais maintenant que tous les efforts pour me sauver sont inutiles. Voulez-vous voir le pasteur ? Priez pour moi, vous. C'est ce que je fais chaque jour. Vous êtes ma petite mère, n'est-ce pas ? L'ordre de l'exécution est donné pour le 15 octobre à 6h15 du matin. Il fait encore nuit quand Sœur Léonide conduit les représentants officiels à la cellule de Mata Hari. Elle est réveillée et informée du rejet de son recours en grâce. Sœur Léonide l'aide à s'habiller. Elle porte un grand canotier, une robe tailleur élégante garnie de fourrure, des gants, un manteau, ce qu'elle a de plus beau parmi les affaires qu'elle a pu récupérer. Elle demande à s'entretenir quelques instants avec le pasteur, puis écrit trois courtes lettres, dont l'une à sa fille, qu'elle n'a pas vue depuis plus de 10 ans, une autre à Vadim de Maslov. Aucune ne parviendra à son destinataire. Mata Hari est conduite ensuite au fort de Vincennes, sur le champ de tir, devant un peloton de 12 zouaves. Il fait très froid, le soleil commence à se lever. Parmi les officiels sont présents le capitaine Bouchardon et Sœur Léonide. Ah, vous êtes là, capitaine. Vous allez voir une belle mort. Ma petite mère, donnez-moi votre bras. Mettez-vous là, à droite. Je regarderai de votre côté. Embrassez-moi. Adieu. Je suis prête, messieurs. Avez-vous une déclaration à faire ? Non. Aucune. J'ai déjà dit que j'étais innocente. Et si j'en avais, vous pensez bien que je les garderais pour moi. Attachez la condamnée. Non, pas de bandeau. Je veux voir. Au nom du peuple français, la nommée Zelle MacLeod, Margaretha Gertrude, dite Mata Hari, a été reconnue coupable d'espionnage et d'intelligence avec l'ennemi dans le but de favoriser ses entreprises. Elle est condamnée à mort. Non, je ne tremblerai pas. Je ne vous ferai pas ce plaisir. Le sourire aux lèvres, Mata, une dernière fois. Je n'ai pas peur de mourir. C'est pour toi, Non, ma fille, que j'ai peur. Ne crois pas tout ce qu'on dira sur ta mère. Je veux que tu sois fière de moi. Maintenant. Peloton, à mon commandement. En joue. Armée. Feu. Reposez, armes. Qui réclame le corps ? Personne ne réclame le corps ? Même innocente, il fallait qu'elle disparaisse. Everybody always knew the game that you were playing. You were fooling. Glad that you are paying. Mata Hari, agent H21 de Didier Blonde, avec Mata Hari, Garance Clavel, le capitaine Bouchardon, Gabriel Dufay, le capitaine Ladoux, Slimane Yevza, Vadim de Maslov, Rémi Fortin, Sœur Léonide, Marie-Bénédicte Roy, un soldat, Didier Mérigou, et les voix de Louis Astier, Hugues Dallamarlière et Zachary Lebourg. Bruitage, Sophie Bissons. Prise de son, montage et mixage, Cédric Chatelus et Manon Houssin. Assistante à la réalisation, Léa Racine. Réalisation, Christophe Hoquet. Juste après les disques, on poursuivra la discussion sur Mata Hari avec mon invité Bruno Fulini. Autant en emporte l'histoire sur France Inter. Dans l'univers, il y a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis tata par le vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi. Je sais des choses que tu ne sais pas. Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble. Nous sommes de ceux que la rancune sépare. Pourtant dans l'univers, y'a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi. Je sais des choses que tu ne sais pas. Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble. Nous sommes de ceux que la rancune sépare. Et même si notre amour raté devait renaître demain, elle m'a dit jamais je ne remettrai mon cœur entre tes mains. Jamais, jamais, n'oublie pas que quand tu l'avais, tu ne m'as laissé que du mal-être et des marques. On était jeunes, on pensait que s'aimer c'était se traiter mal. Pourtant dans l'univers, y'a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi. Je sais les choses que tu ne sais pas. Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble. Nous sommes de ceux que la rancune sépare. On se dégoûte, on se combat jusqu'à ce qu'on bouffe les puits s'ennuie. Notre couple succomba, ce désir puissant puis s'ennuie. Et le désir disparaît en même temps que la possession. Et les femmes de ma vie défilent en une étrange procession. J'y passerai seule la nuit sous le trait d'un jeune homme qui, quand la lune dort, le soleil lui, moi je ne vois qu'elle. Sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi. Je sais les choses que tu ne sais pas. Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble. Nous sommes de ceux que la rancune sépare. Nos cœurs unis par cette danse que ta lumière peut apprendre à mon ombre. Un jour tu me donneras ton oui et tu prendras mon nom. Un jour tu me donneras ton oui et tu prendras mon nom. Nekfeu et Vanessa Paradis dans l'univers sur France Inter, autant n'emporte l'histoire. L'émission réalisée par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Arthur Le Breton. Bruno Fulini, Mata Hari alors, est-ce qu'elle était vraiment coupable? Quel cas sa condamnation à mort était prévisible, sinon justifiée? Ou alors était-elle innocente et elle aurait servi de bouc émissaire à ce moment de la guerre où il fallait trouver des coupables? Il n'y a vraiment pas de doute sur le fait qu'elle est espionnée, qu'elle est espionnée pour les Allemands et qu'elle ait été agent double. C'est-à-dire que, ayant été d'abord recrutée par les Allemands parce qu'elle était neutre, avec un passeport néerlandais, elle pouvait circuler en France. D'autre part, c'était une vedette, même si elle était un petit peu tombée. Et donc, beaucoup de portes pouvaient s'ouvrir, en particulier dans les milieux politiques et parlementaires et diplomatiques. Je crois que l'erreur, ce serait vraiment de considérer Mata Hari comme une oie blanche qui aurait été manipulée par les hommes. C'est une grande manipulatrice, simplement, elle arrive trop tard. C'est-à-dire qu'elle fait de l'espionnage comme au temps du chevalier Déon, un petit peu à l'intuition, à la séduction, de manière un peu solitaire et individuelle, alors que, eh bien, pendant la Première Guerre, d'abord, les services de renseignement se structurent. On peut mentir à un homme, mais on peut pas mentir à un service qui vérifie. Et puis, elle va être la première grande victime du renseignement technologique. La Tour Eiffel sert d'antenne non seulement pour émettre, mais pour capter. Et donc, on intercepte des messages que s'envoient les Allemands, même s'ils sont des messages codés, on sait casser les codes. Et ces messages permettent, eh bien, de savoir qu'il y a une espionne. Les textes sont au féminin et un certain nombre d'indices montrent bien que c'est elle. Le vrai mystère, c'est de savoir pourquoi les Allemands ont évoqué de façon aussi claire cette espionne. Et une des théories vraiment très séduisantes, c'est qu'ils l'ont volontairement grillée pour donner le mauvais rôle aux Français. Parce que les Allemands avaient fusillé beaucoup de femmes en Belgique occupée. Il y a eu en Belgique notamment Edith Clavel, la fameuse Edith Clavel, infirmière britannique qui travaillait pour les services secrets britanniques en Belgique occupée. Elle était à la tête d'une école d'infirmières. Elle a été fusillée. D'autres femmes ont été fusillées. Et donc, la propagande anglaise les présentait comme des barbares, des uns. Et une théorie séduisante, c'est qu'ils auraient fait en sorte, en sacrifiant une espionne qui était une petite espionne, mais qui était très connue par son passé de danseuse, eh bien, de mettre les Français en position de fusiller celle-ci, puisque c'était la peine normale. Un espionnage en temps de guerre, du moment que le fait est constitué, vous êtes effectivement passible de la peine de mort et en l'occurrence du peloton d'exécution. Personnellement, je réprouve la peine de mort, donc c'est pas quelque chose que j'approuve. Oui. Mais dans le contexte de 1917, une femme ou un homme convaincu d'espionnage avec autant de preuves n'a aucune chance devant le Conseil de guerre. Est-ce que Mata Hari, une femme de mauvaise vie, une femme étrangère, une femme artiste, c'était pas un peu le bouc émissaire idéal aussi pour la France? Bon, c'est la bataille du chemin des dames, il y a beaucoup de morts sur le front, il faut aussi trouver des boucs émissaires. Les coupables. Bouc émissaire, ça voudrait dire qu'on a fabriqué un coupable, c'est plus compliqué que ça. Et les Français de cette époque sont pas moralistes comme nous, ils sont pas puritains comme nous le sommes aujourd'hui. Les mêmes services secrets emploient une ancienne prostituée qui va se faire connaître sous le nom de Marthe Richard. Les services secrets emploient à la même époque Mistinguette qui va vamper... Non mais pour le grand public, je veux dire. Ça peut servir pour le grand public. Voilà, la propagande s'empare de tout. En revanche... Et ça va gêner la propagande. Tout le monde va saluer l'extrême courage avec lequel elle fait face au peloton d'exécution. Tous ceux qui seront présents et même les plus hostiles à Mata Hari vont saluer son attitude devant la mort et cette sortie de scène spectaculaire qui va aussi nourrir la légende. Alors parmi ceux qui lui sont hostiles, il y a Pierre Bouchardon qu'on a entendu. Je vous propose de l'écouter parler en 1949. Il évoque le souvenir qu'il garde de Mata Hari. Eh ben, je fais deux parts, l'intelligence et la beauté. La beauté, c'est une femme hideuse, véritablement, tout à fait abîmée par une certaine maladie. Elle était arrivée à prendre beaucoup d'âge, beaucoup plus qu'elle le disait. Elle était lipue comme une négresse, elle était cuivrée, elle avait des yeux qui faisaient mal à regarder. Maintenant, comme intelligence, tout à fait supérieure. Elle fit même ce tour de force intellectuelle un jour au musée Guimet, de faire une conférence en 5 langues, français, hollandais, allemand, anglais, javanais, et passant de l'une à l'autre. Maintenant, évidemment, elle avait fait beaucoup de conquêtes, elle méprisait profondément les hommes, elle avait cependant une passion. Et jusqu'au bout, elle m'a demandé des nouvelles d'un certain capitaine russe, qui était beaucoup plus jeune qu'elle, qui avait été blessé, elle s'intéressait énormément à lui. Maintenant, comme espionne, je ne sais pas s'il a apporté grand-chose. En réalité, elle se faisait payer extrêmement cher. Et quand un chèque était fini, elle en demandait un autre, et c'était au moins des chèques de 5000 francs. Quand elle a été arrêtée, je crois qu'elle était au bout de ses ressources, et la femme que j'ai envoyée au dépôt y a été très malheureuse. Deux ou trois fois, quand j'y ai battu mes cartes, elle était trop intelligente pour ne pas se rendre compte qu'elle était perdue, elle m'a flanqué un quart de soldat rempli d'eau à la figure. Donc, pendant ces interrogatoires, on l'a entendu, Mata Hari jetait de l'eau au visage de Bouchardon. C'était un témoignage donc de 1949 de Pierre Bouchardon, qui en dit long sur sur le sexisme quand même de l'époque. Qu'est-ce qu'on a fait du corps de Mata Hari, puisqu'on a entendu dans la fiction que ce corps n'est pas réclamé par la famille? Oui, ce corps qui a été convoité par tant d'hommes pendant des années, là est totalement délaissé. Donc le corps va être tout simplement transporté à la faculté de médecine et il va être disséqué, il va être découpé. Alors ça se faisait beaucoup avec les condamnés à mort en général. Là aussi, elle n'a pas de traitement de faveur. Et donc pendant longtemps, les étudiants en médecine vont regarder des petites plaquettes au microscope, des plaquettes de verre avec l'inscription MH. Ce sont des éléments du corps, des éléments de cellules de Mata Hari. Sa tête serait toujours conservée d'ailleurs là-bas. Il y a aussi le mythe Mata Hari, Bruno Fulini. Cette femme a inspiré beaucoup de récits, de romans, de BD, de films, de jeux vidéo même. Pourtant, des espions, des espionnes, il y en a eu d'autres pendant la Première Guerre mondiale. Pourquoi elle ? D'abord, c'était une vedette avant de devenir espionne et avant d'être exécutée. On a exécuté une femme qui, à l'époque, avait une notoriété comparable, par exemple, à celle de Catherine Deneuve aujourd'hui. C'est ça qu'il faut se figurer. Mata Hari, comme danseuse avant de devenir espionne, est vraiment la première star moderne. Et elle inspire ce phénomène qu'on constatera plus tard sur d'autres stars, le phénomène des sosies. Et donc, cette star qui finit sur un poteau devant le peloton d'exécution, eh bien, évidemment, elle ne peut pas mourir. Et donc, le cinéma, la légende, on va même parler d'une fille de Mata Hari, très hypothétique, qui aurait joué un rôle pendant la guerre de Corée. Tout cela va alimenter la chronique pendant des décennies. Merci beaucoup Bruno Fulini. Vous êtes l'auteur de Mata Hari, les vies insolentes de l'agent H21 aux éditions Gallimard, avec notamment de très belles illustrations, un très beau texte. À lire aussi Les Femmes de l'Ombre, l'histoire occultée des espionnes de Rémi Coffert qui vient de sortir chez Perrin. Je signale également le dernier livre de Didier Blonde, Café, etc., paru en août dernier au Mercure de France.